parle à mon frérot, je suis comme je suis. Les preuves seraient prêtes à croire que je maudis. Tu dis tu parles mal, qu'est-ce que tu sais de nos pieds? Viens, on fait la femme, si ça fait sourire ton petit. Tu me chantes pour qui? J'ai foutu sur mon booty. Je dors sur mon pédo, ma gadget, mon outil. Cousin, j'en morti, tu veux sur c'est forti. Faut bien que je mette le plein, le singe, roule en Audi. Je me grandis à ma hache, car un petit trop si. Skip, je les élevais pas, ils me font les grossistes. On ne manque le bar, y'a pas d'en négocier. Bébé m'en veut pas, je déguste la vie aussi. Tu vas glisser. Oh le bâtard, il t'a niqué, c'est la risée. Alcoolisé, fond d'orthographe, normal dans mes poésies. Je ferai jamais la star, je suis trop ghettoisé. Ghettoisé. J'suis arrivé de nulle part, j'suis sorti du mur. Jamais fait le soutard dans les locaux du maire. J'suis encore là, ces bâtards, ils m'avaient vu moi. J'me suis mis dans ma bulle, les hypocrites, j'en ai eu marre. J'pourrais se donner un humeur ou un dernier Lamborghini. J'suis tombé amoureux de la gadis sans l'avoir piné. J'suis avec ma Tokyo, posé dans le maquillot. J'suis resté moi-même, tu peux me croiser dans les restes ou la Clio. Me vends pas briller, besoin de partir loin crier. C'est du buzz, fais des soins, tu vas finir par trier. On parle pas de trahison, nous les traites, nous les haïssons. Ça chante, après ça pleure que ça se retrouve dans des bails sombres. Ce soir j'oublie tout, avancer la crise. Fallait que je fasse ma trace, que je change mon adresse. En traceur je trace, laisse-moi loin de la presse. Que tout se passe à Grèce. Sur scène j'mets le feu, cocktail molotov. Une balle dans le coffre, le single sur la top. Disque d'or, la beuh de l'illicite dans la cape. Tu viens du hood, mais t'es que tu hot. J'fais mes yeux dans l'ombre, le rap c'est dans l'âme. Jamais le Stallone. Ma vue sur les gouttes, parle de moi c'est good. En plus quand c'est cool et tu me dégoûtes. Plus je m'en bats les couilles, couilles. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Rien dit que c'est le survêt. Frappi d'ailleurs nos veto. T'as posé les mouettes avec les sous du ghetto. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Avec les sous du ghetto, les assis c'est les survêtes. Rapidement.